There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing. On. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called the news brought to you live. Bienvenue dans En Profondeur sur CKUT 90.3 FM à Montréal. Je m'appelle Antoine et je vais être votre hôte aujourd'hui. Aujourd'hui dans l'émission, vous entendrez un document relatif aux mesures d'austérité que j'ai réalisé la semaine dernière. Je me suis intéressé aux coupes budgétaires sur les petits organismes d'aide sociale et en santé, les organismes communautaires. Donc en effet, beaucoup de personnes en difficulté financière ou non se tournent vers ces organismes. Ça m'a amené à me focaliser sur les toxicomanes, tentant de soigner leurs dépendances qui sont particulièrement affectées par ces mesures. Plus tôt dans l'émission, on accueillera Mademoiselle de l'Espérance du collectif Logement Plateau Mont-Royal qui viendra nous parler des différents événements organisés par le collectif ce mois-ci, mais aussi présenter l'action du collectif qui se veut à la disposition des nombreux locataires du Plateau Mont-Royal. Pour le dernier quart d'heure, Simon viendra nous délivrer sa nouvelle chronique des apatrides anonymes. Mais tout d'abord, pour commencer, je reçois Raymond Legault, membre du collectif Échec à la guerre. Nous allons parler des différentes affaires qui secouent l'armée canadienne, mais aussi de la politique militariste du gouvernement Harper. Donc vous écoutez En Profondeur sur CKUT et on revient dans un instant. Donc vous écoutez à nouveau En Profondeur sur CKUT 90.3 FM, il est maintenant 5h02, donc on part maintenant sur le premier sujet de l'émission. Je reçois Raymond Legault, membre du collectif Échec à la guerre. Ce collectif est un groupe pacifiste qui s'oppose au militarisme et à l'intervention militaire, et bien évidemment au conflit armé principalement mené par les forces occidentales. Bonjour monsieur Legault. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va d'abord parler des grandes affaires qui touchent l'armée canadienne. Donc la semaine dernière, un rapport est paru dénonçant une culture d'inconduite sexuelle au sein de l'armée canadienne qui la rend hostile aux femmes et aux minorités sexuelles. Quelle est la réaction du collectif Échec à la guerre par rapport à ces différents rapports qui sont parus? Ben, le collectif, en fait, a déjà pris position sur ces questions-là en publiant un fascicule sur les conséquences du militarisme sur les femmes. Et on a aussi publié, il y a à peu près un an, une brochure assez élaborée sur la montée du militarisme au Canada, où on parle aussi des conséquences du militarisme sur les femmes. Face aux nouvelles sur ces questions-là récemment, ben, en gros, ça faisait suite à un reportage du magazine L'Actualité qui est sorti à peu près il y a un an, qui faisait état du fait qu'il, selon les estimés qu'il pouvait faire, il y avait à peu près 5 agressions sexuelles à chaque jour au sein de l'armée canadienne. Il y a des choses semblables dans la plupart des armées où il y a des femmes qui font carrière comme militaires. C'est un milieu assez hostile. Les conclusions de ce rapport-là étaient dévastatrices. Je veux dire, ça présentait vraiment l'armée comme un milieu hostile aux femmes et hostile aux minorités sexuelles, que c'était un problème vraiment majeur. Et la recommandation centrale du rapport, c'était la mise en place d'un comité indépendant de l'armée canadienne pour recevoir les plaintes, faire les enquêtes, assurer le soutien aux victimes, que les victimes portent plainte ou non, assurer leur soutien, etc. Et les autres recommandations, la plupart étaient... faisaient appel à une collaboration entre ce comité indépendant et les forces canadiennes pour développer toutes sortes de politiques. Alors, dans la mesure où c'est loin d'être clair que l'armée canadienne va accepter la mise sur pied d'un comité indépendant, C'est pas sûr que la plupart des recommandations donc vont être acceptées. Même si l'armée a fait comme annonce officielle qu'elle acceptait la plupart des recommandations, sauf peut-être celle-là. Mais les autres portent sur la collaboration entre ce comité et, les, et l'armée sur toutes sortes de questions. C'est toujours le problème de l'intervention du civil dans le militaire. De la même manière, on a vu un autre rapport paru il y a quelques jours qui accuse la police militaire canadienne de torture dans le cadre de sa mission à la prison de Kandahar en Afghanistan. Quelle doit être la réaction des institutions par rapport à ça? Et pensez-vous que ces comportements sont généralisés encouragé d'une certaine manière par les états-majors? Est-ce que c'est encouragé par les états-majors? Je ne suis vraiment pas en position de vous le dire. C'est clair que la question de la torture est une question très préoccupante au niveau des interventions militaires. Quand on fait des prisonniers, qu'est-ce qui leur arrive ensuite? Déjà, dans les postes de police de nos villes occidentales, il y a souvent du tabassage qui se produit, il y a des gens qui sont interpellés selon la couleur de leur peau, etc., et qui vivent des traitements souvent assez différents des blancs petits bourgeois qui pourraient se faire interpeller. Il y a une historique de pratiques de torture au sein des forces canadiennes. Je ne peux pas documenter tout ça en détail, mais les forces spéciales canadiennes, en ce moment, s'appellent JTF 2, Joint Task Force 2, parce que la JTF 1 a été dissoute. Suite à des incidents de torture en Somalie en 1993. Donc, cette unité-là a torturé à mort des jeunes Somaliens qui avaient sauté un mur dans une base militaire là-bas pour prendre de la nourriture dans des réserves, etc. L'armée canadienne aussi, il y a plusieurs années, avait été mise en cause parce qu'elle remettait des prisonniers directement aux autorités afghanes en sachant que les autorités afghanes pratiquaient la torture. Chaque année, dans les rapports de Amnesty International, c'était documenté que les autorités afghanes pratiquaient la torture. Ils avaient contourné ça en faisant en sorte qu'au moment de la capture, c'était des soldats afghans qui les capturaient. Et donc, ils n'étaient pas dans une position où ils capturaient des gens pour les remettre à la torture, mais ils les faisaient capturer par les soldats afghans eux-mêmes dans des opérations conjointes. Il y a toujours, je pense, eu cette zone grise-là de pratique de la torture dans les cas militaires. Et même les gouvernements, bon, le gouvernement Bush aux États-Unis avait donné clairement carte blanche à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, et ça mène à ma deuxième question, c'est que on avait souvent pointé du doigt l'armée américaine, et on voit maintenant que c'est un cas qui est commun à plusieurs autres armées, même de nos jours. L'armée canadienne, l'armée française aussi a été pointée du doigt pour ça. Donc ça mène à ma deuxième question. On assiste à une offensive assez ultra-militariste du gouvernement Harper, avec un engagement des troupes en Ukraine, première armée engagée en Ukraine, en Irak. Le Canada y étant déjà le seul pays occidental actuel avec des troupes terrestres. Quelles sont, selon vous, les motivations d'Harper et ou jusqu'où Harper est prêt à mener sa politique? Le gouvernement Harper a la même politique que les néo-conservateurs aux États-Unis. Ils étaient... Harper avait fait des déclarations dès 2003 comme quoi il appuyait l'intervention des États-Unis en Irak et déplorait que le Canada ne le fasse pas parce que finalement Jean Chrétien avait décidé de ne pas donner son accord officiel à la participation du Canada à cette guerre-là. Donc l'idéologie du gouvernement Harper, c'est une idéologie néoconservatrice de domination de l'Occident sur le reste du monde. Et comme l'Occident est en relatif déclin économique par rapport aux autres grands pays dans le monde, que ce soit bon, la Chine, les pays du BRICS, etc., on joue de la carte sur laquelle... on joue de la carte maîtresse qu'on a dans notre jeu, qui est la carte militaire. On a une supériorité militaire incroyable. Quand je dis « on », c'est évidemment pas moi, mais l'Occident... par rapport aux autres pays. Et cette carte-là est jouée à fond. Et du point de vue d'un gouvernement comme le gouvernement Harper, l'armée canadienne peut très bien agir simplement comme extension de l'armée américaine. Les entraînements sont de plus en plus faits de façon conjointe. Les hauts gradés de l'armée canadienne sont formés dans les écoles militaires aux États-Unis avec la doctrine de l'interopérabilité. On fait en sorte qu'on utilise les mêmes armements, qu'on développe les mêmes systèmes au niveau de la pensée militaire et tout ça. Quand vous regardez la politique étrangère, les énoncés officiels aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays occidentaux, ça se ressemble beaucoup, l'identification des dangers, entre guillemets, le terrorisme, la prolifération nucléaire, etc., etc. Il y a presque une espèce d'uniformité dans la pensée en politique étrangère en Occident. Les divergences qu'on avait vues en 2003 sont disparues. En 2003, c'était clair que la France et l'Allemagne n'étaient pas du tout partisanes de cette guerre-là, l'invasion de l'Irak. Maintenant, c'est complètement disparu et les divergences sont assez mineures et l'unification de l'intervention militaire est faite de façon de plus en plus poussée. Le Canada étant probablement à ce niveau-là l'allié le plus proche des États-Unis, le plus militairement proche des États-Unis aussi. C'est bien que vous disiez ça parce que ça mène aussi à ma prochaine question. Et on a aussi l'impression que parfois Harper a tendance à même dépasser les doctrines du gouvernement Obama, puisque on l'a vu avec certaines manœuvres dans l'Arctique et aussi cette intervention, le premier pays à envoyer des troupes au soutien de l'Ukraine pro-européenne, et aussi par un certain scepticisme vis-à-vis de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. On voit que le Canada se place même dans une logique plus conservatrice que les États-Unis. Et est-ce que le Canada est vraiment en train de devenir un pays belliciste sur le plan des relations internationales? Je suis assez d'accord avec la présentation de votre question. Comme je le mentionnais tantôt, le gouvernement canadien actuel n'est pas aligné au niveau de sa politique sur le Parti démocrate aux États-Unis. Il est aligné sur le Parti républicain et même sur les éléments les plus, bellicistes du Parti républicain. Et donc, on assiste de la part du gouvernement Harper aux mêmes prises de position que celle de McCain aux États-Unis. Alors, encore plus d'encouragement à Israël dans tout ce qu'Israël fait qui peut violer le droit international au quotidien. Et beaucoup plus de provocations face à la Russie, face à l'Iran, etc. C'est essentiellement les mêmes positions que la droite républicaine aux États-Unis. Est-ce que l'ensemble du Canada est en train de se transformer de cette façon-là? Ben, en bonne partie, je dirais oui. L'opposition à la montée du militarisme au Canada est très, très, très faible au Parlement. Même des partis qui, historiquement, ont eu des positions assez anti-guerre, comme le NPD, ont tendance maintenant à fluctuer. Ça dépend des guerres. Une, ça peut être oui, une autre, ça peut être un non. Et on voit même Thomas Mulcair proposer que le jour du souvenir, le 11 novembre, soit décrété congé férié au Canada. Il y a beaucoup de choses comme ça qui semblent... Il y a une vague de fond qui fait en sorte qu'on aime bien projeter l'image d'un pays fort. Et on s'interroge pas trop sur ce que ça veut dire, cette force-là, la violence, la destruction que ça impose et toutes les calamités qui viennent avec les guerres. Donc l'important, c'est de pas avoir l'air faible et on se pose pas trop de questions sur ce que ça peut vouloir dire dans la vie des autres pays et pourquoi c'est comme ça. Et quand vous parliez de l'Arctique, les positions de Harper face à l'Arctique, mais ça, je pense que c'est aussi tout parti confondu, c'est-à-dire que le Canada a beau être une puissance assez secondaire au niveau militaire dans le monde, quand il s'agit d'intérêts miniers, pétroliers, etc., le Canada est quand même un joueur important. Oui, mais c'est ça. La souveraineté du Canada sur ces régions-là, c'est important de l'affirmer pour ces parties-là, pour défendre l'accès possible aux ressources qu'il y a dans ces régions-là. Mais... Et c'est pas si hostile que ça aux États-Unis non plus, parce que dans la mesure où le Canada est intégré au niveau de la défense continentale à l'ensemble de l'Amérique du Nord, sous la direction des États-Unis,

utilisent beaucoup, les urgences utilisent beaucoup les milieux hospitaliers. Donc ça, ça va faire des coûts sociaux importants et on a calculé que le gouvernement voulait sauver, l'étude d'impact, c'était 6,1 millions de dollars avec la coupure pour notre réseau. Et avec 6,1 millions, nous, on estime que ça va en coûter 30 millions aux contribuables. Voilà. Parce que si on fait juste calculer que 40 ressources qui ferment leurs portes, ça, ça veut dire que c'est 7 000 personnes qui auront plus de services cette année s'il y a 40 ressources qui ferment leurs portes. Et sur les 7 000, on a au moins 500 à 1000 personnes qui proviennent du milieu judiciaire, donc qui doivent retourner en détention. Donc, si on retourne en détention, on voit les coûts, ça monte à des millions déjà. The FM band is from 88 MHz up to 108. You've got this frequency. We're going to call you CKUT. You've got this frequency, 98.3. That frequency is what you're picking up when you tune that radio. Very impressive. You can sit on the road and go back and pick up CKUT, clear as a bell. Fascinating. Your analysis seems logical. Vous êtes de retour dans En Profondeur sur CKUT, il est 5h45. Vous venez d'entendre un sujet sur l'austérité dans le secteur de la santé. Juste avant la chronique de Simon et les apôtres anonymes, je tiens à rappeler que l'austérité tue. Je vous invite à consulter l'article du Monde Diplomatique intitulé « Quand l'austérité tue », écrit par Sanjay Basu et David Strickler. Les auteurs démontrent comment l'austérité, en dégradant les conditions sociales et de santé et sanitaires, cause des victimes massives. Le lien de l'article accompagnera le sujet que vous venez d'écouter sur le blog de CKUT. Je rappelle le blog de CKUT, ckutnews.wordpress.com. Donc Simon, c'est à toi pour ta chronique. Salut Antoine, salut, bonjour à tout le monde à la maison. Toujours une chronique optimiste et joyeuse aux apatrides, d'habitude. On parlera pas de la libération d'Omar Kader, ça a été quand même abondamment traité dans les médias, médias plus mainstream. Quelques sujets locaux et par la suite, inévitablement, on n'a pas le choix de parler de la Méditerranée, la route migratoire qui tue des milliers de personnes. Donc, essayer de faire un bilan, on est au mois d'avril, le tiers de l'année passée, où est-ce qu'on en est? Quelles sont les réactions par rapport à ça? Quelle analyse on peut en faire? Ouais. Tout d'abord, quelques sujets un peu plus locaux. Le 1er juin annonce la date butoir pour les personnes ressortissantes d'Haïti et du Zimbabwe pour régulariser leur situation avant renvoi. Donc, le moratoire sur le renvoi des personnes haïtiennes et zimbabwéennes a été levé en décembre dernier. Et on laissait jusqu'au 1er juin pour toutes ces personnes-là. Donc, ça implique environ 3000 personnes d'origine haïtienne et 500 personnes d'origine zimbabwéenne. Donc, on leur demandait d'effectuer une demande de résidence, de l'avoir complétée, qu'elle ait été reçue par le gouvernement fédéral avant le 1er juin, donc environ dans 3 semaines. Les organismes qui ont été mandatés pour aider les personnes à compléter leurs demandes sont un peu en mode panique actuellement parce que, évidemment, on calcule que ça prend à peu près 20 heures par demande. Il y en a 3500 à traiter. On demande des documents qui sont très difficiles à trouver, comme des titres de propriété, des photos de l'habitation qui a été détruite dans le tremblement de terre, par exemple. Donc, des documents qui démontrent la situation familiale, des preuves écrites de la bonne intégration à la société d'accueil, que ce soit des lettres de professeurs, d'employeurs, d'organismes. Donc, je vais en profiter pour faire une petite annonce. Les organismes cherchent des bénévoles actuellement pour essayer d'accélérer le processus et de traiter le maximum de demandes. On sait que ce ne sera pas possible de toutes les traiter. Mais j'ai 2 numéros de téléphone pour vous. Si vous voulez donner un coup de main dans le 514, le 754-6734, ou toujours dans le 514-791-2455. Et on peut inviter les gens à aller visiter le site Internet de la Maison d'Haïti à Montréal. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er juin? On peut prévoir des renvois massifs de personnes? On peut prévoir des déportations. On a couvert le sujet sur CKUT aussi. C'est très compliqué. Ils ont à peu près 20% de personnes qui ont rempli les dossiers. Ça paraît compliqué, ouais. Je ne sais pas quand exactement vous aviez traité ça. On a fait un sujet vendredi dessus. Les chiffres sont pas mal d'actualité, j'imagine. Donc, on peut passer à un autre sujet à ce moment-là, puisque ça a déjà été traité. On va souhaiter quand même bonne chance à tout le monde. Ouais, on leur souhaite bonne chance. Ce ne sera pas facile et on prévoit qu'effectivement, il y en aura beaucoup de déportations, à moins que le délai soit augmenté et les procédures simplifiées. Avez-vous déjà traité d'une note interne du SCRS? Non, on n'a pas traité. Il y avait votre invité, plutôt M. Legault, du collectif ouais. opposé à la guerre, qui parlait des Five Eyes, qui sont ouais. les autres cinq pays, Canada, États-Unis, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, qui partagent des informations relatives à la sécurité. Qui espionne un peu tout le monde, comme il disait tantôt. Donc, le Canada, d'après une note interne reçue en vertu de la loi sur l'accès à l'information par la presse canadienne, on apprend qu'il est en train de développer des partenariats avec d'autres pays. Donc, de sortir de ce cercle des cinq pays anglo-saxons. Ce que les quatre autres pays de ce cercle-là ne font pas. Donc, le Canada prendrait l'initiative de conclure des partenariats avec des alliés dont on ne connaît pas l'identité, encore. Mais on, parce que ça a été caviardé dans la note interne qui a été rendue publique. Mais on peut présumer que c'est les alliés actuels du Canada, donc Israël, Chine, Turquie, Arabie Saoudite. Ce partage d'informations-là entre les cinq pays anglo-saxons provoque déjà des dommages et des abus. Là. On a en tête, par exemple, Omar Khadr qui a été emprisonné, torturé suite à une transmission d'informations erronées entre le Canada et les États-Unis. Il y a un rapport qui avait démontré qu'il y avait eu trois autres arabo-canadiens qui avaient subi des traitements injustifiés en vertu de ce partage de renseignements-là à l'intérieur des Five Eyes. Donc, je ne sais pas comment on peut présumer de la suite maintenant que le Canada va partager de l'information avec des... Ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est-à-dire la politique du gouvernement canadien actuel qui tend à toujours plus de contrôle et de militarisme. Oui, mais qui perd le contrôle en même temps de la sécurité. Ouais. On sait que les listes de personnes présumées extrémistes se contaminent, sont pleines d'erreurs, sont pleines de témoignages, sont souvent basées sur des témoignages obtenus sous la torture, donc qui n'avaient absolument rien. Donc, il va falloir se surveiller bientôt. Petite dernière nouvelle locale avant de parler de la Méditerranée. Frontière, poste frontière qui a été fermée, tout simplement, entre le Canada et les États-Unis, c'est-à-dire entre deux villes, une toute petite ville en Alaska et une ville, Stewart, en Colombie-Britannique, un peu plus importante. Par contre, la frontière est fermée de nuit, c'est-à-dire de minuit à 8 heures. C'est carrément fermé, on peut pas traverser. Et c'est la seule façon d'accéder à des soins de santé d'urgence pour les personnes qui habitent en Alaska, c'est par là. Donc, okay. Il n'y a plus de soins de santé d'urgence entre minuit et 8 heures maintenant. Ça ne fait pas partie d'un projet pilote dont on avait déjà parlé de frontières intelligentes, c'est-à-dire de contrôler à distance des... c'est qu'on skypait plus ou moins avec quelqu'un qui est dans un bureau et il nous ouvrait à distance la frontière. Là, c'est carrément, il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun bouton d'urgence non plus. Donc, il faudrait carrément casser la barrière pour pouvoir la barrière. Passer. Donc, on craint aussi, en cas, par exemple, de catastrophe naturelle, c'est la seule route d'évacuation pour les personnes qui habitent en Alaska. Donc... une décision un peu étrange. Les représentants gouvernementaux de l'Alaska se sont plaints aux autorités canadiennes, mais sans résultat, évidemment. Donc, la Méditerranée, j'ai quelques minutes pour en parler. Est-ce que c'est un sujet que vous avez... On en a un peu parlé, mais sur le plan local, plus sur les actions des locaux des associations, oui, plutôt. L'action des associations locales, oui. OK, ça, j'en parle pas trop, donc ce que je vais vous dire va probablement compléter peut-être l'information dont vous avez déjà parlé. Donc, peut-être en vrac, vous faire des citations de ce qu'on peut lire dans les journaux, donc pour l'horreur qu'on peut voir. C'est des phrases que je suis allé chercher, bon, que j'ai sorti de leur contexte, que je suis allé chercher dans différents articles. Par exemple, le mystère est entier sur le sort des 400 migrants disparus en Méditerranée. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Les survivants ont affirmé qu'il y avait 500 à 550 personnes à bord de leur bateau, dont de nombreux jeunes. Les porte-parole de la garde-côte italienne ont souligné qu'aucun survivant n'avait été retrouvé en dépit des recherches intensives. On dit qu'ils étaient 137 sur un canot pneumatique qui s'est dégonflé ou qui a explosé, ce n'est pas clair, et qu'une partie d'entre eux est tombée à la mer. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Beaucoup. Ça arrive tous les jours en Méditerranée. Oui. Tous les jours, on en lit. Et c'est, donc, où est-ce qu'on en est actuellement? On est début mai. Donc, comme je disais en introduction, le tiers de l'année est passé. Donc, on prévoit une année malheureusement record et de très loin pour le nombre de morts, de personnes blessées en Méditerranée. Je ne crois pas avoir le temps. J'avais fait un historique. Tu peux te lancer, c'est bon. En tout cas, c'est un résumé d'un résumé, ouais. Si on veut, qui explique un peu pourquoi partent principalement de la Libye les principaux bateaux passeurs, si on veut. Donc, j'ai résumé les propos de Ferruccio Pastore, directeur du Forum international européen de recherche en immigration. Donc, je commence la lecture. Les mouvements migratoires sont profondément ancrés dans l'histoire de la Libye. En raison de son positionnement géographique, la Libye a vu les populations nomades sahariennes transiter sur son territoire depuis des siècles. À la fin des années 90, Kadhafi avait encouragé l'émigration de travailleurs vers la Libye, attirés par ses ressources, notamment pétrolières. Le guide de la révolution libyenne avait alors mis en place une stratégie d'ouverture des portes qui s'inscrivait dans un projet panafricain afin de gagner du crédit auprès des leaders de la région. Cette orientation politique a provoqué un afflux massif de migrants en provenance de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, particulièrement du Nigeria, du Mali, du Sénégal, dont la situation s'est détériorée, surtout à partir des années 2000. La guerre civile qui a suivi la chute du régime de Kadhafi en octobre 2011 a encore aggravé la situation des migrants, désormais confrontés aux affrontements entre deux gouvernements rivaux et à la fermeture relative ou complète des pays européens. À ce chaos s'ajoute la menace de groupes armés désireux de consolider leur présence dans la région. Dans ce contexte, marqué par l'absence de tout cadre juridique ou humanitaire, les migrants sont devenus la proie de milices locales où tout le monde est autorisé à faire ce qu'il veut des immigrés. Cela donne lieu à une exploitation brutale, marquée par une multiplication des kidnappings. Depuis le début de la guerre civile, s'ajoutent des populations migrantes venues essentiellement de la Corne de l'Afrique, donc Somalie, Éthiopie, Érythrée. Les personnes migrantes sont exploitées dans des conditions de vie dégradantes, arrestations arbitraires, violences physiques et psychologiques, travail forcé. Les personnes africaines subsahariennes doivent faire face au racisme d'une partie de la population, d'autant plus qu'ils sont associés au souvenir de la politique migratoire de Kadhafi. S'ajoutent depuis quelques années des milliers de personnes provenant de Syrie, d'Irak, etc., qui ont de plus en plus de difficultés à passer par les routes terrestres via la Turquie et la Grèce, et qui donc se rabattent sur la Libye, qui a des infrastructures et qui a déjà des réseaux bien organisés. Pour échapper aux affrontements entre milices armées, les migrants en Libye sont de plus en plus tentés de traverser la Méditerranée le plus rapidement possible. Une très large partie d'entre eux quittent les côtes libyennes pour rejoindre l'Italie. Donc, toutes ces raisons historiques expliquent pourquoi les routes migratoires traditionnelles mènent principalement vers la Libye, donc à partir de l'Afrique ou du Proche-Orient, et pourquoi les réseaux de passeurs y ont prospéré plus qu'ailleurs, et pourquoi c'est devenu une plaque tournante de la migration des personnes vers l'Europe. Quelques statistiques. Le prix d'une traversée coûte entre 700 et 7000 $ US. Oui, pour des Africains, c'est un prix énorme. Oui, pour des gens même qui ont marché depuis des semaines et qui n'ont pas travaillé. Surtout que certains témoignaient en disant que les passeurs leur disaient que l'Italie, en partant de la Libye, était à 5 km, sachant qu'il y en a 170. Si on imagine la peur de ces gens-là qui ça doivent même pas s'imaginer ce que c'est. Je ne sais pas si on leur dit en cours de route, même 170 km, j'ai aucune idée non plus combien de temps ça prend une vitesse de croisière normale. Donc, de ce prix-là, de 700 à 7000 $, ceux qui payent le plus sont sur le pont s'il fait beau, et inversement s'il fait pas beau. Exemple d'une fin de semaine assez occupée quand même, la garde côtière italienne est intervenue auprès de 7000 migrants entre vendredi et dimanche. Ça, c'était au début du mois d'avril. Elle a aussi repêché 10 cadavres. 1500 à 1800 personnes migrantes sont mortes depuis le début de l'année contre 47 à la même date en 2014. On connaît 35 fois plus de morts actuellement. Je vais passer un peu pour les statistiques, mais juste pour dire qu'on prévoit qu'environ 30 000 personnes pourraient mourir cette année en faisant la traversée de la Méditerranée entre l'Afrique et l'Italie ou la Grèce, peu importe. Pourquoi on passerait d'environ 1800 personnes à 30 000, même si on est au tiers de l'année, c'est que c'est la petite saison qui était commencée. Donc, la belle saison arrive, le nombre de traversées va augmenter. Je constate qu'on manque de temps, malheureusement. Je pense que je vais arrêter. Oui, mais en tout cas, ta chronique était très, très intéressante. Et donc, c'est vrai, pour tous les auditeurs, en profondeur, c'est fini. Et donc, on va... Et la chronique de Simon Zapatri d'Anonyme est aussi finie. Merci beaucoup, Simon. À compléter la prochaine fois, bien sûr. Donc, je m'appelle Antoine et j'ai été ravi d'avoir été votre hôte. Donc, je tiens à remercier mes invités de la première partie de l'émission et aussi, bien sûr, Simon pour sa chronique. Merci à tous ceux qui permettent une antenne libre et inspirée ici à CKUT.